Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi vivre un divorce? Pourquoi j'en suis venu à une situation irrécupérable? Bon, il y a des situations qui sont récupérables, mais qui exigent une transformation de la part des deux partenaires ou de l'un des deux partenaires. En général, ces changements-là sont indiqués tout au long de la relation, sont indiqués d'une façon subtile dans certains cas et d'une façon plus apparente et évidente dans d'autres cas. Les gens vont dire « Ah, tu me domines », l'autre va dire « Ben, t'es trop critique », l'autre va dire « Ben, ta névrose, je suis pas capable de l'endurer, tu perds trop souvent contenance », etc., etc. Il y a inévitablement au cours d'une relation, avant d'en venir au divorce, l'expression du problème. Et comme je vous dis, il se répète souvent. Fait qu'on peut pas dire une fois rendu au divorce qu'on ne savait pas pourquoi on en vient à divorcer. Parce que ça a été annoncé très fréquemment, et pas simplement par les deux parties, ou par un des deux parties, mais par des gens également qui voient de l'extérieur le problème. Parce que vous avez tous des membres de la famille, vous avez tous des amis qui vont éventuellement vous dire « Regarde, il y a un problème, là, ta relation, là. Je sais pas, je trouve que ton mari ou ta femme manque de tolérance dans cette situation-là. » Dans l'avertissement, vous dites « Non, non, non, c'est pas grave, il est fait de même. » Et puis, vous tolérez une situation longtemps jusqu'à ce que ça ne devienne plus tolérable. Et c'est là que ça commence à poser le problème ou le questionnement de « Dois-je m'en aller? » Souvent, les gens vont se retenir ensemble pour les avantages qu'ils ont détectés au début, dans le sens que quand ils se sont rencontrés, ils ont vu qu'il y avait dans la relation un avantage réel à être ensemble, et ils ont construit là-dessus. Ils ont construit sur... des fois l'évolution de leur personnalité, l'évolution de leur relation sur le plan de la sexualité ou de la passion qu'ils vivent ensemble. Au niveau de la carrière aussi, souvent la femme ou l'homme a supporté sérieusement d'une façon économique ou d'une façon psychologique par le dialogue, l'échange, l'encouragement. A supporté énormément l'autre partenaire ou les deux se sont supportés mutuellement. Et il est arrivé un élément où l'intolérable s'est présenté. Et c'est là que la présentation de la séparation, du divorce s'est annoncée. En général, l'élément le plus corrosif d'un couple où ça commence à aller mal, c'est la culpabilité. S'il y a un des deux membres qui se sent coupable trop souvent par rapport à l'autre, bon, on ne parle pas par rapport à un patron à l'extérieur ou par rapport à des amis ou de la famille, non, non, non. On parle de la culpabilité envers le partenaire. Quand cette situation-là s'annonce dans le couple, il y a des grosses lumières rouges qui devraient s'allumer parce que c'est là que ça commence vraiment à sentir pourri, à sentir le mal qui va apparaître ou qui va dénoncer un problème psychologique important. Une personne coupable, c'est une personne désorganisée. C'est une personne qui risque de désorganiser l'autre et c'est une personne qui n'a plus de point de repère pour pouvoir se donner une certitude et conséquemment plonge indéfiniment dans le doute. Et conséquemment, quand on est dans le doute, on est de plus en plus dépendant de l'autre. Donc l'autre a à se contenir et à vous contenir. Deux personnes coupables ou qui se sentent coupables par rapport à ce qui se passe dans l'échange, bien, c'est deux personnes qui accélèrent le processus parce que la perte de contenance s'amplifie à une vitesse d'enfer. Même s'il y a des avantages financiers, même s'il y a des avantages sur le plan de la passion, de la sexualité, même s'il y a une mémoire d'engagement qui a été, on pourrait dire, une réussite pendant un certain temps, l'effet de la culpabilité va ronger, va éliminer les avantages à une vitesse folle. Et ce sentiment de culpabilité, il s'engendre à un certain moment donné par un système de valeurs divergent de l'autre. C'est le sentiment qu'on n'est pas propriétaire pleinement de nos facultés de pensée, de notre processus décisionnel, et que l'autre a une influence très grande sur notre personne, mais une influence qui est divergente de notre ligne de conduite ou de notre façon de penser. C'est comme si c'est des systèmes de valeurs, ni plus ni moins, qui se confrontent et dans lesquels il y en a un qui est évidemment plus dominant que l'autre. Donc, quand la culpabilité rentre par ce biais-là, bien, c'est très, très difficile de désarticuler le problème parce que il y en a un qui va justifier par sa raison son comportement et dire à l'autre qu'il est en défaut, alors que l'autre est tout simplement dans une exploration de lui-même ou d'elle-même qui exige de passer par un chemin, disons, très différent. Bon, évidemment, vous allez me dire, oui, mais si ma femme couche avec un autre ou si mon mari couche avec un autre, c'est un problème de système de valeurs, ça? Oui, c'est un problème de système de valeurs, parce qu'il y a des gens qui n'en font pas de cas. Il y en a d'autres qui en font un cas. Je ne dis pas que c'est la situation idéale, mais si c'est temporaire, ça va. Si c'est un comportement permanent, ça risque d'être dangereux avec le temps parce qu'il y a quand même un phénomène de territoire dans le couple que s'il n'est pas respecté, ça va créer éventuellement un déséquilibre prononcé dans la confiance qu'un fait à l'autre. On comprend donc qu'avoir un système de valeurs qui est basé sur le territoire, donc l'argent, le sexe, le prestige, ces trois éléments-là principalement, c'est des systèmes de valeurs qui sont fragiles parce qu'ils sont basés sur l'instinct. En d'autres termes, on va être testé là-dedans. On va être testé au niveau du sexe parce qu'il y en a un moment donné qui n'aura plus le goût, puis l'autre va vouloir vivre la bambola. Et l'argent, ben, éventuellement, il y en a un qui va tomber dans le désir du pouvoir à outrance, puis il ne voudra pas partager le pouvoir décisionnel parce qu'il va se penser Dieu. Le prestige, c'est un peu la même chose. C'est un territoire qui est encore plus subtil parce que c'est la personne qui est populaire à l'extérieur du couple et que l'autre est totalement effacé, n'est pas aussi, disons, sympathique pour la galerie et inévitablement se fait tasser par les amis ou se fait tasser par le public. Et automatiquement, il y en a un qui prend, comme on dit, avantage du fait d'être plus populaire sur l'autre pour toutes sortes de raisons. Et ça, c'est des éléments qui touchent l'instinct. Donc, en touchant l'instinct, quand on est attaqué dans ces systèmes de valeurs-là et qu'on se donne un autre système de valeurs pour se dégager du magnétisme de celui qui a le pouvoir, bien, il y a divergence qui s'installe, puis il y a un sentiment de culpabilité qui s'installe parce qu'on sait dans le fond qu'on est en train de bâtir notre séparation. Et cette séparation-là, ou cette culpabilité-là, est liée souvent au fait que dans un couple, même si on a l'impression de vivre pour l'autre, on vit toujours pour soi. Et on se sent coupable de vouloir vivre pour soi avec l'autre, qui a un système de valeurs que si on vit pour soi, on le désorganise ou on lui impose une pénalité d'une façon quelconque. Bon, moi je dis souvent aux gens qui se sentent coupables, vis ta vie pour toi, puis ce qui va rester pour l'autre, tu le mettras en partage. Et là, vous dites, ouais, mais c'est pas comme ça vivre en couple. Ouais, c'est pas comme ça vivre en couple, mais si tu fais pas ça, tu vas divorcer. En d'autres termes, l'autre va tellement aspirer toutes tes énergies dans son champ de travail, dans son champ d'activité, dans sa personnalité même, qu'à un certain moment donné, tu n'existeras plus. Ouais, mais on est en couple. Ouais, on est en couple, mais c'est plus un couple, là. C'est un employé avec un employeur. Mais t'es pas payé pour. Fait que l'évolution d'un couple, c'est une évolution qui exige que les deux fassent une démarche individuelle et rallient leur individualité ensemble pour donner une force à leur échange et non pas à une personne. Il y a une très, très, très, très grande différence entre le développement individuel et le développement de l'esprit d'équipe du couple. Je comprends que l'équipe ou le couple doit avoir un esprit commun dans lequel on construit une crédibilité, mais dans une décision, on est toujours seul à contenir. On peut le contenir ensemble, mais on a toujours notre part seul à faire. C'est pas avec la force de l'autre qu'on est fort. On est fort de soi-même et on rallie cette force avec l'autre. Donc, l'élimination de l'intérêt de porter beaucoup d'énergie dans notre individualité risque de placer l'équipe ou l'esprit d'équipe dans une sorte d'autorité sur soi qui fait qu'éventuellement on se rebelle contre ça. C'est une question de temps. On finit par se rebeller contre le couple, contre cet aspect de l'intimité qui gruge systématiquement l'intérêt qu'on a d'être soi-même. Et ça, éventuellement, ben, l'individu, pour se dégager de ça, a besoin de sentir qu'il a une autorité personnelle qui se dégage de l'effet de la relation à deux. bien des gens se séparer ou divorcer, c'est une condition d'échec. Et vous ne devriez pas regarder une séparation ou un divorce comme un échec, parce que c'est une occasion dans votre vie de faire le plein de vous-même. Faire le plein de vous-même, c'est pas vous regarder le nombril. C'est de vous donner simplement l'occasion de regarder la vie, de la revoir d'une autre façon, de réévaluer ce que vous êtes vraiment, ce que vous êtes dans un échange, et de regarder avec quel autre type d'échange que vous êtes en mesure de créer avec d'autres personnes. C'est sûr que quand on pense solitude, il y a un côté effarant pour certains ou certaines, parce que ça donne l'impression d'abandon. Ça donne l'impression que ça ne sera pas possible de tout contenir ce qu'on contenait auparavant. Ce qui est en soi vrai, parce qu'effectivement, quand on est à deux, on contient beaucoup plus de choses, on contient beaucoup plus d'événements, on contient beaucoup plus de situations que quand on est seul. C'est vrai qu'à deux, c'est mieux. Dans bien des cas, même quand ça va mal, ça va quand même mieux que seul pour contenir des ondes de stress. Mais il en demeure pas moins que l'évolution, c'est pas d'endurer une situation, c'est de l'améliorer. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur de changer ce qu'ils connaissent comme point de tension, comme point de souffrance, parce qu'ils se disent tout à coup que j'ai pire seul. Effectivement, c'est un risque à prendre. Mais je dis tout le temps aux gens, vous savez, si vous êtes seul et vous avez peur d'être à deux, vous avez avantage à vous plonger dans une expérience de couple. Si vous êtes à deux et que vous avez peur d'être seul, je pense que la vie va vous exposer à un certain moment donné à des états et à des zones de solitude pour apprendre à vous forger une ligne de conduite qui vous permette de vous contenir, qui vous permette de vous stabiliser mentalement et émotionnellement. Vous ne pouvez pas toujours ou toute votre vie reposer sur les facultés de l'autre pour garder votre équilibre. Éventuellement, il y a des zones dans la vie où on est seul. Exemple, quand on est malade, qu'on a enfin face à la mort, quand on a à prendre des grandes décisions de vie au niveau professionnel, au niveau travail, on est quand même seul à assumer dans ces périodes-là les conséquences de nos actes ou la conséquence de la souffrance dans laquelle on va s'impliquer. Et ce n'est pas l'autre qui nous regarde comme témoin, qui nous regarde ou qui attend les résultats de notre transformation. Ce n'est pas l'autre qui a à contenir l'état de souffrance. Seul ou à deux, c'est une expérience aussi intense et aussi valable. Il n'y a pas d'échec dans le fait d'être seul et il n'y a pas plus d'échec dans le fait de se séparer après avoir vécu une étape avec une personne dans une vie à deux. Les gens qui sont placés à vivre ensemble sont là pour une raison et les gens qui vivent seuls vivent ça également pour une raison. La raison pour la solitude, c'est de développer une contenance. La raison pour vivre à deux, c'est d'apprendre à voir qu'est-ce qui fait qu'à deux, on se contient mieux que seul. Et d'étudier dans l'échange qu'on a avec l'autre, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient, comme aspect dans notre personnalité pour mieux se contenir individuellement. C'est comme si, lorsqu'on va chercher quelqu'un dans notre vie qui nous attire ou qui suscite en nous un désir profond d'être mis en commun dans nos ressources, dans nos échanges. Ce n'est pas simplement pour le sexe et l'argent, c'est pour aussi trouver le moyen d'arriver à voir qu'est-ce qu'il y a dans l'autre qu'on doit s'accaparer dans un sens, pas nécessairement comme talent, mais comme mise en vibration ou comme énergie pour mieux se contenir personnellement. C'est sûr que les gens vont dire « Ouais, mais si on est ensemble, c'est parce que l'autre l'apporte, j'ai pas besoin de travailler pour cette zone-là. Lui, il l'apporte ou elle l'apporte, donc on se complète. » Oui, c'est vrai. Mais l'autre disparaît, il est malade, il meurt, il est pris dans un travail où il doit s'exiler. Il est, à un moment donné, sous l'influence émotionnelle d'une autre personne. Qu'est-ce que vous faites? Allez-vous vous désorganiser parce que l'autre refuse ou n'est plus capable de se mettre en échange avec vous? C'est pas normal, ça. Et c'est ça que vous devez regarder. Souvent, la raison pour qu'on se sépare, c'est justement parce que l'autre nous présente une carence ou un manque et qu'on lui reproche de ne pas combler cette carence ou ce manque. et on lui fait indirectement une mise en demeure en disant « ben si tu me donnes pas ça, je m'en vais ». Et puis, il ne donne pas et vous êtes obligé de vous en aller. Ou bien, tout simplement, c'est que votre ligne d'évolution avec l'autre a pris son terme parce qu'on rencontre toujours quelqu'un comme si c'était un événement. C'est une autre chose que je dis souvent aux gens qui veulent vivre en couple. C'est que la personne que vous rencontrez, c'est un événement dans votre vie. Elle est là pour vous faire vivre un événement. Mais on ne vit pas un seul type d'événement dans toute une vie. On peut vivre 30 ans avec une personne, vivre de multiples événements. Mais on peut vivre 30 relations et vivre 30 types d'événements différents qui vont tous bâtir progressivement notre individualité et un meilleur rapport avec nous et les autres, pas simplement nous et l'autre. Les autres, c'est aussi important que l'autre, parce que les autres, souvent, c'est notre façon de s'en sortir dans une survie de célibataire. Quand on est seul ou qu'on a peur d'être seul, le combat, c'est d'échanger. Le combat, c'est de trouver un moyen d'avoir des relations amicales, d'avoir des relations sociales où on peut échanger. La peur d'être seul, c'est la peur de manquer d'échange. Si l'échange pour vous, c'est strictement sur le plan de l'argent ou du sexe, vous avez des sérieux problèmes. L'échange, c'est tout ce qui permet à un autre d'évoluer. C'est vrai pour vous, donc c'est vrai pour les autres. Si vous aidez quelqu'un dans son développement, si on vous aide dans votre développement, il y a échange. Et ça ne demande pas de faire l'amour avec tout le monde. Ça ne demande pas de donner 100$ à tout le monde. Ça demande de trouver un moyen de partager un échange. C'est ça qui fait peur aux gens d'être seul. Mais quand on a réglé cette capacité qu'on a d'échanger, la solitude, c'est moins lourd que ça paraît. Et le divorce, à ce moment-là, s'il se vit, il ne se vit pas pour se donner un maximum d'échanges avec les autres. Il se vit simplement parce que l'étape est terminée avec une personne. Une étape, c'est terminé quand l'autre ne veut plus avancer, ne veut plus se transformer. Si l'autre veut avancer et se transformer, bien, on se dirige vers un autre événement. Donc, le divorce est évité. Et les gens qui ont peur du divorce ont peur d'être seuls. Donc, c'est toujours un problème d'échange. Réglez le problème d'échange et souvent vous allez régler le problème du divorce et vous allez régler aussi le problème de la solitude. L'un des aspects les plus insidieux dans un divorce, c'est, quand on souffre évidemment, c'est l'impression de pouvoir récupérer la situation. Il y a des gens qui étirent très longtemps une situation qui demande le divorce, qui demande que ça ferme la relation pour passer à une autre étape. On dirait qu'ils s'accrochent à une mémoire, à un sentiment, à un passé, que s'ils réussissent à gagner, ils vont s'arrêter dans le développement de leur être. Ils vont s'arrêter parce que il faut qu'il y ait cette crise, il faut qu'il y ait cet événement qui est effectivement très douloureux, mais qui doit être vécu pour permettre l'individualisation des psychologies mutuelles. C'est possible de revenir en relation avec une autre personne, mais quand une étape est terminée, il faut laisser mourir ce passé. Il ne faut pas se nourrir de nostalgie. Il ne faut pas avoir l'impression qu'on a perdu quelque chose. Au contraire, l'étape que vous avez franchie vous a permis de faire un gain, de faire un acquis, de prendre conscience de certains niveaux d'absurdité que aujourd'hui vous ne tolérerez plus. Si vous avez été dominé, ben, vous avez gagné sur vous-même en étant plus dominable. Si vous avez perdu au niveau financier des avantages quelconques, ben vous avez ici l'occasion de vous refaire par vous-même un nouvel équilibre matériel dégager souvent des excès qui ont été connus ou vécus dans le passé. Si vous pensez que vos enfants vont perdre, c'est parce que vous ne voyez pas que vous les aimez et que l'autre partenaire peut également les aimer. Et que s'il ne les aimait pas quand vous étiez ensemble, ben, peut-être qu'il va les aimer plus en étant séparés. Donc, ça dépend évidemment de la psychologie de chacun, mais il n'y a pas perte, il y a changement. Et c'est important de comprendre que ce n'est pas une perte, que c'est un changement. Vous allez me dire, oui, mais c'est évident que j'ai perdu. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu une régularité, j'ai perdu certains avantages sociaux au niveau des amis, ces choses-là. Les amis, on ne les perd pas quand ils sont vraiment des amis. C'est des êtres qui doivent être objectifs. Un bon ami, c'est quelqu'un qui n'est pas partisan ni de l'un ni de l'autre. C'est quelqu'un qui ne voit pas strictement ses intérêts quand il est dans une relation avec l'autre. Et si c'est le cas, ben, vous n'avez rien perdu. Ce n'était pas des amis, c'était des relations d'affaires. C'était des gens qui faisaient partie d'une parade quelconque au niveau social, au niveau économique, au niveau d'une forme quelconque de prestige. On ne perd pas ces gens-là. C'est simplement des gens qui sont là, là, comme ça. On va en voyage. Est-ce que vous avez perdu le paysage quand vous revenez au Québec? Est-ce que vous avez perdu la perception que vous aviez du soleil du Mexique? Non. Vous avez perdu peut-être les plages de là-bas au niveau de l'effet physique, mais vous n'avez pas perdu l'impression que ça vous a donné. Donc, dans l'évolution d'une séparation, il faut bien comprendre que ce n'est pas des pertes qu'on a, c'est des changements. C'est sûr qu'il y a des gens qui résistent au changement, qui ont l'impression de perdre parce qu'évidemment, ils sont tellement accrochés à la sensation, tellement accrochés à la forme, que là, évidemment, c'est violent. Mais avez-vous déjà pensé que les forces de vie vous obligent justement à vivre cette mutation, cette transformation substantiellement radicale, j'avoue, pour justement que vous ayez d'autres perceptions plus subtiles, moins lié à la finance, moins lié à la forme, et que vous développiez une perception plus abstraite pour justement évoluer plus rapidement éventuellement. On ne se pose pas ces questions-là. On pleure, on souffre. On souffre égoïquement souvent. C'est l'égratignure sur notre ego. C'est l'impression que l'autre nous a trahis. Évidemment, on frappe dans ce temps-là. C'est sa faute. Et oui, c'est toujours sa faute. C'est jamais de la vôtre. Mais ce n'est pas la faute ni à un ni à l'autre. S'il n'y a pas de perte, s'il y a changement, ça veut dire qu'il n'y a pas de faute. Il y a simplement une étape qui s'affranchit d'un passé quelconque et qui, si les deux veulent évoluer, si les deux veulent se récupérer, pas récupérer la relation, mais se récupérer, ils vont simplement dire « Ah, ben j'ai appris ça avec elle, j'ai appris ça avec lui, j'ai compris ça, il m'a apporté ça. Sa vibration, sa force m'a donné une compréhension de moi-même. » C'est ça qu'on doit retenir. Et éventuellement, ben, s'il y a récupération, on n'aura rien forcé. Ça se fera parce que c'est intelligent. Ça se fera pas parce qu'on sent une obligation de reprendre où on en était. C'est sûr, vous allez me dire, oui, mais on se connaît. Oui, on se connaît. Vous vous connaissez quand vous vous séparez? C'est là qu'on voit qu'on se connaît pas tant que ça, parce que quand on se sépare, on accuse l'autre de 56 défauts qu'on était supposé être capable de voir quand on l'a rencontré. Mais non, c'était l'amour, la passion, le sentiment. Mais le sentiment, quand il arrive à son échéance, parce que le sentiment arrive toujours à son échéance, il faut être intelligent. Et cette intelligence-là, c'est une vision objective de l'autre. C'est une compréhension parfaite de soi. C'est une compréhension parfaite de ce que l'on a à mettre en échange et ce que l'on n'a pas de capacité à mettre en échange. Donc, il faut avoir une vision objective et conséquemment de regarder ce que l'autre a besoin de développer, qu'il peut aller chercher ailleurs mieux que chez vous. Et c'est sûr que c'est pas facile de voir que l'autre peut se développer avec un autre, une autre, plusieurs personnes, peut-être même dans un travail ou dans une réorganisation de sa vie individuelle, et de voir que finalement, il a plus seul qu'avec vous, ou il a plus avec d'autres qu'avec vous. C'est dur, je sais que c'est très dur, mais ça devrait vous faire comprendre que c'est pareil pour vous, que vous pouvez également vous développer, vous améliorer, vous permettre une restructuration intégrale de votre vie sans sentir de manque. Et si vous êtes vraiment intelligent ou intelligente, vous allez garder une alliance. Ce que vous pouvez récupérer dans un divorce, C'est l'alliance. C'est l'intelligence de la relation. C'est l'intelligence de l'événement. J'applique beaucoup à dire que les gens sont des événements dans notre vie. Que ce soit des amis, que ce soit des parents, que ce soit des couples. Les gens sont des événements. Ce sont des personnes, oui, mais ils véhiculent une sorte de série d'événements. Ils véhiculent leur pièce de théâtre. Donc, ils véhiculent un peu leur histoire ou une histoire qu'ils ont à vivre parce qu'ils ont un destin, eux autres aussi. Vous avez un destin, vous êtes vous aussi un événement. Il y a la nature de votre événement que vous devez étudier. Il y a la nature de l'événement de l'autre aussi que vous devez étudier. Mais dans les deux cas, on sait que si vous faites une lecture de l'événement que l'autre vous a fait vivre ou que vous vous êtes fait vivre ensemble, vous allez vivre ça moins difficile, la rupture. Vous allez comprendre que vous devez passer à un autre type d'événement et que la vie s'occupe effectivement de vous présenter, entre guillemets, des hasards intéressants. Et que si vous avez à récupérer votre ancien événement, ben, c'est pour l'alliance, c'est pour le mouvement de l'esprit, c'est pour la reconnaissance des ressources et des capacités que l'autre a vraiment. Et il y aura à ce moment-là une élimination du jeu de l'accusation. Il y aura élimination de la culpabilité. Il y aura cette impression de liberté. On n'aura pas l'impression de revenir dans un passé pour se refaire manipuler par les mêmes vieux états d'esprit. Ce ne sera pas de la nostalgie, ce sera simplement le fait qu'on dispose d'un allié, d'une personne qui nous sait substantiellement, et que ce savoir de soi, ça peut devenir une sécurité si l'autre ne cherche pas à tirer avantage d'une façon trop égocentrique. C'est sûr donc qu'il y a, comme je dirais, une récupération potentielle au niveau du jeu de l'esprit, mais quand c'est fini au niveau d'une étape de l'âme, c'est vraiment fini. Et quand c'est pas fini au niveau de l'âme, on sait qu'on se sépare, mais qu'on se divorce pas. Je dirais qu'il y a une différence dans un sens, subtil d'ailleurs, entre la séparation et le divorce. La séparation, c'est pour prendre une sorte de temps de pause. Un divorce, c'est comme final, c'est fatal. C'est quelque chose qu'on dit « je ne veux plus vivre ça, c'est terminé ». Il y a une finalité dans le divorce. Dans la séparation, il y a une occasion où il y a une invitation, où il y a un avertissement qu'on donne à l'autre que s'il veut changer, on va être capable de se reprendre. Donc, la séparation est vécue comme, dans un sens, un certain avertissement. Mais si ça dure trop longtemps, la séparation, ben, ça va consacrer le divorce, ça va consacrer la fin totale. Et tout ce qui pourra être récupéré, comme je l'ai dit, c'est l'alliance. Il n'y aura pas de possibilité de récupérer la relation sur une base privée ou intime. Ce que vous avez à comprendre, c'est que récupérer, ça peut être le jeu de la nostalgie et que la réalité dans la récupération, c'est de la reconnaissance de l'esprit de l'autre de façon intégrale, sans accusation, sans chercher à l'inférioriser ou sans chercher à le mettre sur un piédestal. Se poser la question, dans un divorce, c'est quoi les enjeux? Évidemment, on va toujours se relier à la forme, on va dire, bon ben, c'est l'argent, c'est le manque de sexualité, ou c'est une sexualité qui ne va pas dans le même sens un pour l'autre, c'est un conflit dans le processus décisionnel, l'autorité. Mais de mon point de vue, c'est plus profond que ça, c'est réellement beaucoup plus profond que ça. À moins vraiment qu'on ait des relations superficielles et que se séparer, c'est un sport, on pourrait dire que l'évolution de deux personnes ensemble, c'est sérieux. Et si c'est vraiment sérieux, qu'on y met beaucoup de temps et qu'on est sérieux dans l'engagement, ça va de soi, ben, on ne se sépare pas et on ne divorce pas pour jouer. C'est un impact important dans la vie émotionnelle d'une personne, autant du côté de l'homme que du côté de la femme. On peut se poser cette question, c'est quoi les enjeux? Pour moi, la dynamique d'un couple, son objectif, c'est de se construire. Construire un échange, ça va de soi. Se donner des assises pour régler les problèmes de survie. Survie matérielle, ça va de soi. Et survie aussi psychologique. On compte sur l'autre pour comprendre ce qu'on est, comprendre ce qu'on peut faire. Déraciner tout ce qui est timidité, gêne, malaise, censure. On compte sur l'autre pour nous sortir de nos perturbations familiales souvent. Une enfance difficile ou une enfance qui se pense difficile. Une vie sociale qui n'est pas toujours harmonisée avec nos besoins parce que les gens sont quand même très égoïstes, très égocentriques dans bien des cas. Et on a besoin un petit peu d'enveloppe, on a besoin de cette affection, cet amour, cette présence d'une personne qui nous soulage du combat d'une société. Et évidemment, quand on se crée un couple, c'est pour répondre à ces besoins-là, c'est pour se protéger en partie de la société et aussi en partie de nos démons, de nos dimensions passées qui n'ont pas été résolues, de nos problèmes dans un sens qui n'ont pas encore trouvé leur solution. Et on demande à l'autre de nous accompagner pour découvrir cette fameuse solution. Donc, c'est sûr qu'il y a un besoin important de dialogue, un besoin important de communication qui doit être mis à jour régulièrement. Si vous avez un couple qui manque de communication, qui est basé strictement sur les aspects, comme j'ai mentionné un peu auparavant, de sexe, d'argent et de prestige, vous avez une relation faible. C'est pas chanceux que ça finisse à 82 ans. Il y a des bonnes chances que la relation se remette en question et assez souvent. Parce qu'en réalité, ce qui protège vraiment un couple, c'est la communication. C'est pas une grosse sexualité ou un gros magot d'argent. Je vous dis pas que ça nuit, mais je vous dirais que c'est pas tout. Les gens vont dire « Ouais, mais la communication, faut savoir parler. Moi, je suis pas venu au monde pour être conférencier. » Oui, je comprends, mais il y a parler en conférence, puis il y a parler en intimité. On n'est pas devant une salle quand on est devant sa femme ou qu'on est devant son mari. Et la communication, c'est le moyen pour se dégager de nos censures, de nos limites. Là, vous allez dire, ouais, mais comment je peux faire confiance à quelqu'un que s'il me sait vulnérable, il va vouloir me contrôler, il va vouloir me dominer. Écoutez, si vous êtes dans une relation et que vous savez que l'autre vous domine, vous avez justement besoin de communication pour résoudre cette problématique de conflit d'intérêts dans un sens et de conflit psychologique, à savoir que vous êtes dominé. Vous dites « Oui, mais l'autre, c'est toujours sa raison qui prime. » Et voilà, on est rendu à la question fondamentale, c'est quoi les enjeux d'un divorce? Je pense que quand une personne accumule beaucoup de frustration, beaucoup d'inconfort dans son échange avec l'autre, qui n'est pas nécessairement au niveau des mots, ça peut être au niveau des ambiances, ça peut être au niveau d'une colère qui n'arrête pas de s'exprimer ou d'une passivité qui est toujours omniprésente. Ça varie d'une personne à l'autre, ça varie d'un karma à l'autre, ça varie d'un couple à l'autre. C'est donc dire qu'on ne peut pas dire, bon ben, pour toutes les couples, c'est tel problème. Mais on peut dire que pour toutes les couples, il peut y avoir des problèmes d'identité, ça c'est certain. Et on doit passer par un processus d'individualisation. Et ce processus d'individualisation, ben, il est essentiel à un moment donné dans le développement d'une personne. Et que l'on se marie jeune ou qu'on se marie plus vieux ou qu'on rentre en couple sans se marier officiellement, mais qu'on essaie ni plus ni moins de se construire une échange solide au niveau personnel et éventuellement au niveau structural, donc au niveau social, il est évident qu'on va toujours rechercher à trouver des solutions pour notre insécurité, nos peurs. Les peurs qui, dans notre vie, nous assaillent de toutes parts, qu'on soit au travail ou qu'on soit dans un environnement humain hostile à l'évolution de notre psychologie. On sait qu'à un certain moment donné, on a besoin de protection. L'homme aussi a besoin de protection. La femme le protège beaucoup contre les abus, entre autres. abus parce qu'il peut devenir extrêmement agressif à cause de son enfance ou à cause de son milieu ou à cause de quoi que ce soit, parce que c'est naturellement un guerrier. La femme le protège énormément de ses abus parce qu'éventuellement, il peut, s'il est décousu au niveau émotionnel, il peut être extrêmement dangereux pour son environnement social et se perturber au niveau professionnel. Vous remarquerez qu'un homme, souvent, lorsqu'il est bien balancé dans son intimité, sa vie affective, sa sexualité, qu'il a de l'écoute de la part de sa femme, vous remarquerez que cet homme-là progresse financièrement, il progresse socialement. Là, vous allez me dire, oui, mais si ça va mal dans notre finance, ça veut-tu dire que ça va mal dans notre couple? Ça ne veut pas dire que ça va mal au point de vous séparer, mais ça veut dire qu'il y a un malaise dans l'intimité qui exige que le couple se réajuste très sérieusement au niveau de ses valeurs de vie, où il est possible à un moment donné que les deux ont besoin de faire un bout de chemin ensemble, mais de façon plus individualisée, pour trouver réellement c'est quoi leurs ressources personnelles et trouver réellement ce qu'ils apportent, non pas simplement à l'autre, mais ce qu'ils peuvent apporter aussi socialement. Un des enjeux les plus importants dans l'intimité ou dans le couple, c'est de trouver un moyen de développer l'échange afin que éventuellement il y a cette force dans cet échange-là pour qu'on puisse faire une démarche individuelle. C'est comme si on pouvait finir nos études, finir une progression, finir de réaliser un rêve qui peut diverger quand même assez profondément des besoins de l'autre partenaire et trouver le moyen pour les deux, dans la force de cet échange-là, donc trouver pour les deux le moyen de se donner une structure personnelle en se donnant des avantages financiers puis en se donnant des avantages au niveau de l'enveloppe psychologique et physique, émotive qu'il y a entre les gens. C'est pas facile parce que ça exige de l'individu beaucoup au niveau de sa personne. Ça exige parce qu'il est obligé, dans un sens, de tenir compte de l'autre pour que l'autre se développe. Il faut comprendre à ce moment-là qu'il ne tire pas d'avantage pendant cette phase-là. Aider quelqu'un gratuitement et être généreux dans cette approche-là, dans notre société actuelle, on parle des années 2000 en montant, dans notre société actuelle, c'est pas facile. Les gens ont de la difficulté à être généreux. Donc, le principal enjeu qui est de se développer une individualité avec l'énergie du travail d'équipe est mis très sérieusement au test. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'aimer quelqu'un strictement pour sa personne. C'est un grand, grand acte de générosité que les gens ont beaucoup, beaucoup de difficultés à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un certain temps de la vie, ça peut durer 2 ans, 3 ans, madame veut finir ses études, monsieur veut changer de travail parce qu'il en aura le bol. Ça demande ensemble de serrer la ceinture, ça demande ensemble de laisser de côté nos envies, nos désirs personnels, l'auto qu'on voudrait changer, le voyage qu'on voudrait faire, pour permettre à l'autre de se développer une croissance qui va lui appartenir intégralement. Et une fois que c'est fait pour un, ben, il faut aussi que ça soit fait pour l'autre. Donc, il n'y a pas simplement on le fait pour un puis c'est fini après. Non. L'individualisation, c'est un travail qui se fait pour un et qui se fait aussi pour l'autre. Donc, il y a ici une nécessité d'équilibrer l'échange éventuellement. Et ça, cette générosité-là, ce qu'il faut qu'elle traverse comme fantôme, comme problème, c'est la peur de perdre. Il y a énormément de gens qui ont peur de perdre. Ils ont beau avoir toutes les garanties financières, légales, sociales pour leur faire voir qu'il n'y a aucun danger de perdre, il n'en demeure pas moins qu'ils vivent une sorte de crise ou d'ambiguïté intérieure qui lui donne l'impression qu'ils peuvent toujours perdre. En d'autres termes, ce n'est pas qu'ils ne sont pas sûrs de l'autre, mais ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes au point que ce manque de sécurité interne lui fait sérieusement douter du futur de la relation. Ils ne carburent finalement qu'au temps présent. Ils ne sont pas capables de voir ou d'avoir une vision à long terme. Et cette peur de perdre peut miner le travail d'individualisation. Parce qu'on se dit, ah, mais si l'autre est fort seul, il va me laisser. Et cette situation devient extrêmement aiguë parce que plus on pense que l'autre va nous laisser parce qu'il se forge une force personnelle, plus on lui donne les mots, la psychologie ou la façon de penser nécessaire pour qu'il fasse la séparation. Je vais vous donner un petit truc. Une personne qui se sépare je dirais, dans les formes, là, c'est-à-dire qu'il déménage, qu'il s'en va, ces choses-là. La séparation se fait beaucoup, beaucoup de temps avant, dans le sens que ça ne se décide pas le matin en se levant. C'est quelque chose qui se prépare de longue date. Et quand je dis de longue date, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça se prépare par une absence. La personne manque de présence. Et ce manque de présence devient chronique. On ne s'habitue pas à un manque de présence. Une personne qui n'est pas présente, son mental n'est pas là, sa vibration n'est pas là, son senti n'est pas là. Et c'est là que vous pouvez dire qu'il y a séparation. Mais ce n'est pas dramatique. Ça peut être un retrait temporaire parce que la personne est dans son monde. Elle est justement en train de faire sa coquille pour développer son individualité. Et elle va revenir dans un temps. C'est pour ça que ça demande beaucoup de force, ça demande beaucoup de présence personnelle pour se structurer. Est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? Oui, il n'y a pas de problème. On peut utiliser, partager en même temps le processus de croissance de part et d'autre pour éliminer justement cette peur de perdre. Mais il faut être honnête dans le processus. Il ne faut pas vouloir se développer au même rythme que l'autre quand ce n'est pas le temps pour nous et que c'est le temps pour l'autre juste pour saboter ses ressources. Si c'est le temps pour une des deux personnes, ça ne veut pas dire que c'est le temps pour les deux personnes en même temps. Mais quand on a très peur de perdre, on peut avoir l'impression qu'il faut arriver à la ligne d'arrivée en même temps. Vous savez ce que c'est marcher? Il y a une jambe qui a un point d'appui au sol, il y en a une autre qui est carrément dans les airs et qui s'en va vers l'avant. Et celle qui est en arrière, donc qui est le point d'appui, doit attendre que celle qui est dans les airs trouve son autre point d'appui. Et quand il y a ce point d'appui, ben là, il est permis à la jambe qui est demeurée à l'arrière de se soulever et d'aller vers l'avant. Et s'il y a un déséquilibre un petit peu plus grand vers l'avant, on dit à ce moment-là, on court, on ne marche plus. Donc, plus l'angle se propose au futur, donc plus la personne se déséquilibre vers l'avenir, plus à ce moment-là, les deux doivent courir au même rythme pour assurer un équilibre au corps, qui est le couple dans cette image-là. C'est donc dire ici que si les deux veulent évoluer en même temps, c'est comme si on avait les deux pieds liés et qu'on sautait à pieds joints. Évidemment, ça va un peu moins bien et un peu moins vite. Et ce n'est pas la condition idéale pour se déplacer. C'est toujours mieux de marcher. C'est donc dire ici que l'enjeu, c'est l'individualité, parce qu'une jambe doit avancer seule pendant que l'autre supporte. Et les deux doivent, dans leur individualité, être assez honnêtes pour emmener les capacités et les ressources du point d'appui qu'un a atteint pour permettre à l'autre d'avancer. Et ça, comme ça, à l'infini. Donc, il n'y a pas de fin pour un couple. Mais il peut y avoir une fin à cause de la peur de perdre et une fin parce qu'on ne respecte pas l'individualité et on ne respecte pas, par manque de générosité, que l'autre se développe. C'est comme si on voulait avoir ascendance sur la dynamique de la relation d'une façon continue. Pourquoi ne pas bien finir une relation? On a investi beaucoup d'énergie dans un passé. On a fait beaucoup de prises de conscience sur soi-même. Que les prises de conscience se soient faites dans des contextes positifs ou négatifs, ça a une importance parce que tout dans la vie est polarisé. Et si on dit tout est polarisé, ça veut dire que tout passe par le bien et tout passe éventuellement par le mal, ou vice-versa. L'échange qu'on a avec une personne quand elle a perdu confiance dans un avenir, ça ne veut pas dire que la vie est finie. Et il faut tenir compte que les deux auront de l'avenir, pas simplement vous. et que cet avenir, évidemment, repose en grande partie sur le rétablissement d'une confiance. Quand on finit bien une relation, quand c'est possible, évidemment, je ne parle pas des cas de violence conjugale, je ne parle pas des cas de déséquilibre mental, je parle simplement d'un divorce qui peut passer assez rapidement à une dynamique intelligente, donc un divorce à l'amiable. Si c'est possible pour les enfants, pour soi, pour l'autre également, pour le fait que dans le futur, éventuellement, on aura peut-être besoin de se rencontrer de nouveau pour faire le point sur ce qui a changé. Pas nécessairement revenir ensemble, mais simplement pour voir qu'est-ce qu'on a intégré, qu'est-ce qu'on a compris de l'étape qu'on a passée ensemble. Simplement pour ça, ça vaut la peine de bien finir. Vous allez me dire, oui, mais pour que ça finisse, il faut qu'il y ait une crise. Si on fait trop d'efforts à bien se comprendre pour mettre un terme à la relation, on n'a plus de raison de se séparer. Oui, je comprends. Mais ce que je comprends surtout, c'est que la rage, la colère émotionnelle ne donne pas nécessairement les meilleurs résultats pour fermer une relation. Et qu'il est toujours plus intelligent d'éviter de passer par la loi pour une situation de conflit financier ou de conflit sur la garde des enfants ou de conflit tout simplement pour établir un ordre quelconque. C'est pas toujours possible, c'est sûr. Et quand est-ce que c'est pas possible? C'est quand l'autre ne veut pas écouter. Un des deux ne veut pas écouter et c'est pas possible de bien finir. C'est l'écoute qui détermine qu'une relation peut avancer. Et pour bien terminer une relation, c'est encore l'écoute. Donc, qu'on commence un échange pour faire un couple et qu'on a un problème d'écoute et que ce problème s'envenime avec les années, ça mène au divorce. Et il faut bien comprendre que pour éviter que la crise perdure, après le divorce ou pendant le divorce, ça demande toujours de l'écoute. Ça demande toujours de voir le point de vue de l'autre. Ça ne veut pas dire d'accéder à son point de vue. Ça veut dire de voir le point de vue de l'autre et de trouver un moyen de rendre ça intelligent. C'est possible que vous ne soyez pas capable à deux parce que vous vivez encore trop de sentiments, trop d'émotions, peut-être négatives, des émotions qui ne veulent pas se dégager de l'accusation, c'est possible. Mais n'oubliez jamais qu'il y a un avenir. Qu'il y aura, dans le cas où les gens ont des enfants, à rediscuter de l'évolution de ces enfants-là. Qu'il y aura des enfants qui poseront des questions et qui, un jour, auront un point de vue, auront une masse critique, auront une compréhension de la situation, de ce qui s'est passé entre les parents. Il y aura donc un jugement de leur part. Je ne vous dis pas qu'il faut bien finir pour les enfants, c'est pas là le point. Mais il faut tenir compte que quand il y a un conflit, surtout sur la garde ou le partage des enfants, il faut bien tenir compte que les enfants vont grandir, donc ils ont un futur, ceux-là, et que vous serez jugés sur vos actes dans le passé. Dans le cas de pas d'enfants, des couples qui n'ont pas d'enfants, c'est toujours intelligent de donner une chance au coureur. C'est toujours intelligent que l'homme soit suffisamment généreux pour ne pas essayer d'enrayer l'équilibre de sa femme ou de son ex-femme. C'est toujours intelligent pour la femme de ne pas trop accuser l'homme, même si c'est sûr qu'il a des défauts, et que c'est évident que c'est à cause de ces défauts-là que la situation s'envenime et qu'il y a un terme à mettre, c'est toujours intelligent que la femme n'en mette pas trop. Cherche pas là, réellement à détruire la réputation du gars ou de le mettre dans un déséquilibre financier qui devient absurde à un certain moment donné. Il y a une logique à demander et il ne doit pas vivre pour vous si la relation est terminée. Si vous fermez la relation, il vous faut fermer la relation. Et dans certains cas, vous l'affirmez sur ce qui doit se vivre pour lui dans le futur. que vous ayez des droits sur le passé, ça c'est votre affaire. Mais sur le futur, c'est pas de vos affaires. C'est vrai pour la femme, c'est vrai pour l'homme. C'est vrai que l'homme n'a pas à se venger et la femme n'a pas à se venger. Si vous faites ça, c'est sûr que vous ne fermez pas la relation et que même si légalement vous terminez l'échange, vous allez quand même envenimer une relation qui risque de perdurer dans un règlement de compte qui n'en finira plus et qui va coûter très cher aux deux. Parce qu'il y a un temps où un fait le tapis, puis il y a un temps où il se révolte et là, c'est pas drôle. Pourquoi je dis de bien fermer une relation? Ben, je pense que c'est une question que quand on fait un couple, on vise l'harmonie. Et que si le couple arrive à terme, parce que bon, il y a une étape définie, point final, et que ça demande de transformer notre perception de notre avenir, transformer notre psychologie, c'est pas nécessaire de forcer l'autre à nous suivre, bon gré mal gré. C'est pas nécessaire que l'autre soit attaché à notre rythmique de vie, bon gré, mal gré. En d'autres termes, c'est intelligent de laisser l'autre vivre sa vie comme il veut la vivre et que ça donne à votre vie réellement une plateforme de nouveau départ et non pas de départ qui traîne son amertume dans son futur. L'évolution de la psychologie, c'est long. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde dise qu'ils sont d'accord. Mais il y a une chose qui est certaine, bien finir un échange, bien finir une relation, permet souvent aussi d'amorcer une nouvelle relation, s'entraîner des états d'âme, des états d'esprit qui peuvent détruire la nouvelle relation. J'ai vu beaucoup de gens vengeurs, j'ai vu beaucoup de gens rancuniers qui ont miné leur nouvel échange, qui n'avaient rien à voir avec leur passé, mais qui finissait par être sérieusement écœuré d'en entendre parler ou de voir l'ex apparaître dans un party ou dans une situation qui n'était pas vraiment une condition idéale pour être invité. Et ça, bien évidemment, ça détruisait l'avenir de la relation. Le premier couple, bon, il n'y a pas de passé. Mais quand on est rendu au deuxième, troisième, et que les ex sont toujours dans le portrait, si la relation a été mal fermée dans le passé, le futur devient extrêmement lourd à supporter. Et la prochaine personne, femme ou homme, qui se présente dans l'échange, n'est pas vraiment intéressée, en plus des enfants souvent, n'est pas vraiment intéressée à composer avec votre passé. Elle le subit. Elle dit « Ouais, mais j'ai quelqu'un qui me comprend. » Indépendamment de la capacité de comprendre d'une personne, quand le problème dure trop longtemps, quand le passé vous poursuit trop longtemps, ça devient des conversations qui tournent en rond et ça donne l'impression que vous n'êtes pas capable de régler les problèmes. Que si vous n'êtes pas capable de régler votre passé, bien vous ne serez pas capable de régler votre présent et vous ne serez pas plus capable de régler votre futur. C'est donc dire ici à quel point ça devient essentiel de bien fermer une relation. Parce que une relation bien fermée, c'est comme une faillite bien faite dans une entreprise. Les gens vont dire, bon, il a fait faillite, le marché n'était pas bon, mais c'est un bon organisateur, c'est un être honnête, intègre, et qui sait comment régler les affaires. Et ça n'entachera pas votre dossier pour vous repartir. C'est sûr qu'on va vous dire, vous avez fait faillite, mais on va savoir en même temps que vous avez des qualités d'entrepreneur qui sont intelligentes et intéressantes. C'est sûr que dans l'évolution d'une personne, un divorce, c'est un choc énorme. Apparemment que c'est le deuxième choc le plus violent après la mort de quelqu'un qu'on aime. Étant donné que c'est un stress énorme, ça demande d'être compris. Ça demande d'être analysé. J'ai vu souvent des gens qui, après une séparation, avaient tendance à chercher des confidents ou des personnes qui pouvaient leur expliquer ce qui s'était passé. Soyez à l'écoute des gens qui ont de l'expérience d'une séparation, puis qui ont réussi à intégrer le bouleversement émotionnel. Essayez de voir que ce qu'ils vous disent, ce n'est pas nécessairement à vivre immédiatement parce que vous êtes dans le choc. Et quand on a un choc, il faut le souffrir, puis éventuellement, on se cicatrise. Mais ils ont quand même une compréhension de leur expérience, qui n'est pas nécessairement la même que la vôtre. Mais dans l'essence, il y a à devoir éliminer une peur de perdre, une peur d'être seul, et à éliminer des comportements qui, dans le passé, ont engendré le problème. C'est jamais juste la faute à l'autre. Il n'y a jamais de situation où c'est seulement que la faute à l'autre. Il y a vous qui êtes resté dans une situation de victime si vous accusez l'autre. Et si vous accusez l'autre d'extrême agressivité, vous aviez juste à appeler le 911 puis vous alliez régler le problème. Donc, si vous l'avez enduré 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est que vous deviez faire face à une peur. Vous deviez prendre position d'une façon claire devant le problème. Donc, je ne suis pas du côté des victimes, pas plus que je suis du côté de l'élément agressant dans la relation. Parce que les deux éléments sont la composition même du problème. Il faut que la victime se lève debout, il faut que l'agresseur s'assoie un peu. N'accusez pas indéfiniment et ne vous présentez pas dans une nouvelle relation en étant toujours sur le cas de votre ex, en étant toujours dans un climat d'accusation. L'autre va dire « si ça m'arrive, il va dire la même chose pour moi ». Inévitablement, vous minez la confiance de votre futur échange. C'est pour ça que c'est important de bien fermer la relation. C'est pour ça parce que il vous faut nettoyer, parce que c'est vraiment un virus, là. Nettoyer votre ordinateur de toutes les pensées collantes, de tous les sentiments négatifs que vous avez vis-à-vis de votre passé. Puis dites-vous que si l'expérience vous arrive, c'est parce qu'elle doit vous arriver pour que vous ayez la chance de comprendre quelque chose sur vous-même. On apprend beaucoup à se faire abandonner sur la force nécessaire pour s'individualiser, pour se donner une force de caractère, pour se donner une autorité. Vous allez me dire, oui, mais ça dépend si l'autre a plus de charges ou moins de charges que moi. C'est vrai que dans une certaine mesure, les femmes sont désavantagées dans une séparation s'ils ont la garde des enfants. Mais j'ai vu souvent des femmes vouloir absolument la garde des enfants parce qu'ils ne voulaient pas s'engager dans un mouvement social. Attention à cet élément-là. Probablement que le divorce se présente à vous pour que vous ayez à faire face à vos peurs devant la collectivité, devant la société. Les enfants ont aussi à vivre des choses avec leur père, ont aussi des choses à vivre avec celui qui apparaît être le méchant dans l'échange. Il est bon de regarder de près comment l'événement se